petit on aime la vitesse, la weed et puis l'ivresse. On a trop longtemps cru qu'être reviendrait de la richesse. S'imaginer sur une plage à cela couler tous, être Bruce Lee ou Jackie Chan, on le voulait tous. Siroter des noix de coco, on a gratté des lignes mais jamais touché la coco. Parfois barge dans les propos, tape des barres avec les poteaux. Rares sont les photos car on nage parmi les crocos. J'étale pas ma vie sur les réseaux, écoute la voix de la raison. Tu peux m'entendre en stéréo, je rappe à la maison. Je me rappelle à présent de tant de bons moments de fou rire, mais on a su garder le sourire malgré les épreuves de la vie. On fait preuve de charisme, non pas de panique. Ne sors pas le calypso, sois en paix, ton monde le sera. On sait que la mort se brade quand l'amour se fait rare. J'ai pas mis genou à terre depuis la maternelle. Marseille, ma terre-mère, où règne le pêle-mêle. Ouais, j'ai appris à esquiver leur foutaise. En vrai, qu'est-ce qu'ils nous laissent? Leur vie, c'est le new age. Perdu comme une ménagère dans le métaverse, tenu par une mégalaise. Sans cesse, c'est l'esprit qui m'apaise. Bien trop réfractaire, parfois j'exagère, tout ça m'exaspère. On pourra dire qu'on a niqué la terre. On pourra dire qu'on a niqué la terre, laisser piquer la bête, laisser fliquer des brêles et le fric c'est de la tête. J'mène quête spirituelle avant de taille, petit patawan à la recherche d'un maître Jedi. Si demain je pars, ouais, j'accepte mon sort, hein. Ici c'est le Far West, adepte du désordre, hein. Les druides aussi portaient la barbe, la noblesse tenait la garde et les vikings menaient la barque. J'en ai ma claque comme un gilet jaune, j'rappe pas la vie en rose. La terre tourne autour d'un billet mauve. Le cœur pur comme de la colombienne, ou bien comme l'Afrique, avant que les colons viennent, et que l'on vienne pas me chercher. Je suis dans ma comète, mais pour eux, je suis perché. Je suis ma route quand le troupeau suit le berger. J'écris mes doutes et je fis ce merdier.